Europe laisse le taureau s'approcher d'elle. Bien plus, elle commence à le caresser et s'assied même sur son dos lorsque celui-ci se couche à ses pieds. Mais alors, le taureau se relève brusquement, se dirige vers la mer. Appunti per un'epopea europea. Existe-t-il un lien entre la figure légendaire et le continent? Les auteurs antiques s'interrogent déjà à ce sujet. Le mythe d'Europe, pour commencer par une approche généraliste et imprécise, rend compte, sous forme de récit, de mouvements de population dans la Grèce préhellénique. Europe est dans beaucoup de textes une déesse de la mer, mais dans d'autres textes, il s'agit d'une mortelle. Interessarmi ai problemi della patria, all'Europa. Va fare come dice Derrida questa rimpatriata, se poi Mitterrand gliela deve ancora spiegare a Jacques Derrida cosa vuol dire essere aria di casa, sentire odore di casa, entrando in Europa. Cos'è l'Europa? Les lettrés du Moyen-Âge avaient conscience qu'ils vivaient sur un continent appelé Europe, pour le distinguer de l'Asie et de l'Afrique. En revanche, la grande masse des habitants de l'Europe n'avait jamais entendu ce terme. En somme, les Européens n'avaient pas pleinement conscience de leur identité culturelle. La conscience de cette identité n'apparut qu'à la Renaissance. Ce fut à cette époque que le mot Europe entra dans le langage et fut doté d'un cadre de référence solidement appuyé sur des cartes et d'un ensemble d'images affirmant son identité visuelle et culturelle. À quoi Europe nous fait-elle penser? She is standing on my eyelids and her hair is in mine. She has the shape of my hands, she has the color of my eyes. She is engulfed in my shadow like a stone against the sky. Her eyes are always open. She does not let me sleep. Her dreams in broad daylight make suns evaporate, make me laugh, weep, and laugh, evaporate, and speak, evaporate, evaporate. It's a sort of constant euphoria. We suffer from the corruption of reason. Logical Europe endlessly crushes the mind between the jaws of two extremes. It opens and recloses the mind. Come and take. down our houses. Si fa presto a dire Europa. Il termine è una costruzione dello spirito, derivata da una realtà geografica mal definita. Se si cerca di trovare il significato del lemma, ci si rende conto che ci sono tante Europe. E che cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa. It is the delicious complexity of Europe's geography, with its multiplicity of seas, peninsulas, river valleys, and mountain masses, that have assisted in the formation of separate language groups and nation states, which will continue to contribute to political and economic disunity in the years to come. Mais donc l'Europe, c'est une histoire d'amour entre la France et l'Allemagne. Plutôt d'amitié, je dirais. Living together in Europe. Europe is almost a synonym for variety. In the year 2000, about 370 million people were living in the European Union, more than in the USA and Japan put together. The future admission of other member states will increase the EU population by 160 million people. They all are organized by the way of a national state, frequently subdivided into more or less autonomous domestic, regional, provincial, and local governments, reflecting territorial idiosyncrasies and power ambitions. Their political histories usually have a long record of wars with neighbors and, many of them, with former colonies. Their political ideologies range from the extreme left to the extreme right. In their daily life, the Europeans, living in free and pluralist societies, encounter a kaleidoscope of civil organizations such as companies, corporations, trade unions, political parties, churches, and other interest groups. Their economies range from free market systems in the north to more state-directed ones in the south. The EU people communicate with each other by 11 different national languages and hundreds of regional ones. In France alone, one-third of the population makes daily use of one of its 8 dialects. Europe, the map suggests, has a significant future in the headlines. T'as déjà entendu le discours de Victor Hugo au Congrès de la paix de 1849? Non. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Robert Schuman, architecte des projets d'intégration européenne. Le Parlement français est appelé à ratifier le traité instituant le marché commun signé à Rome le 25 mars dernier par M. Christian Pinault au nom de la France avec l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Pourquoi un marché commun européen? Parce que l'économie moderne exige de grands espaces vitaux. L'économie capitaliste américaine a pu s'épanouir grâce à la liberté du... C'est l'Europe qui commence à s'unir. C'est l'Europe qui commence à s'unir. And why should there not be an European group which could give a sense of enlarged patriotism and common citizenship to the distracted peoples of this turbulent and mighty continent? Nie war Europa stärker, reicher, schöner. Nie glaubte es inniger an eine noch bessere Zukunft. Nous ne bâtirons que des administrations. Bon médiateur, inspiré pour la liberté. Nous ne bâtirons que des administrations communes. Sans qu'il y ait une volonté politique supérieure. Buffiée par un organisme central. Dans lesquelles les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent. Dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Elle pourrait même apparaître à certains moments un harnachement superflu et peut-être oppressif, tel qu'elle est. Saint-Empire romain à Paris, à certaines périodes de son déclin. The impact of jazz on European culture. The introduction of jazz to Europe occurred in two waves after the First and Second World Wars. Both times the mood was divided between profound hostility and intense appreciation. The excessiveness of the reaction had to do with the shock of the new that set the tradition-bound establishment against innovators, upper against lower classes. Parents against children, students against teachers. Jazz served to radicalize the feeling of a crisis modernization at this millennial threshold. For of all American cultural imports, jazz represented a musical language markedly different from the well-tempered European grammar. And this musical novelty arrived at the very moment when that classical grammar was called into question by cultural self-doubt raised by successional and avant-garde in the major metropolitan centers of Europe, who, though often unaware of jazz, helped to open the doors, to let it in, and by demolishing the old, prepared the ground for it to flourish. Yet, as we look closely at the public debates during the first encounter with American novelty music, a warning is in order. In Nazi Germany, jazz was first criminalized and then, after 1938, forbidden. Yet jazz flourished despite the Nazi ideology, which classified it as degenerate art. Music critic and analyst Simon Reynolds said this of trance music in the early 2000s. There is a European soulfulness to trance. Listen to today's trance and you think of the pristine beauty of a modern unified Europe. The high-speed trains, the pedestrian-only boulevards of city center shopping districts. There's a European soulfulness to trance. Listen to today's trance, and you think of a pristine beauty of a modern unified Europe. The high-speed trains, the pedestrian-only boulevards of city center shopping districts. Jazz was the incarnation of freedom, democracy, individualism. Eurotrance. Also called mainstream or festival trance. Eurotrance. Eurotrance is a spin-off of the aforementioned hard trance and is easily recognizable for an overall big and catchy sound that makes crowds dance like crazy for hours on end. Typically slower than hard trance with tempos ranging from 130 to 150 BPM and tends to use more super song with leads often layered on top of each other, but is otherwise very similar. Primarily European, but more popular elsewhere. The genre was, along with psytrance and tech trance, very popular during the 90s and the early 2000s before suffering due to being derided as cheesy and generic. Bonding between German and French jazz, fans endured the political conflict. Il ragionamento mio delle cose della guerra non ha a passare i termini d'Europa. Quando così sia, io non mi sono obbligato a rendere ragione di quello che si è consumato in Asia. Ma in che consiste la diversità? Essa non è soltanto fisica, ma ben più di istituzioni e di modo di essere, e quindi di storia. Voi sapete come gli uomini eccellenti in guerra ne sono stati nominati assai in Europa, pochi in Africa e meno in Asia. Questo nasce perché queste due ultime parti del mondo hanno avuto un principato o due e poche repubbliche, ma l'Europa solamente ha avuto qualche regno e infinite repubbliche. E il mondo è stato più virtuoso dove sono stati più stati che abbiano favorito la virtù o per necessità o per altra umana passione. Vero è che attualmente sembra che anche in Europa si vadano concentrando i poteri. Queste province d'Europa sono sotto pochissimi capi rispetto allora. Perché tutta la Francia obbedisce a un solo re, tutta l'Ispagna a un altro, l'Italia è in poche parti. Non si tratta di una diversità momentanea, legata ad una particolare e transuente condizione di cose, bensì di una vera e propria diversità costituzionale. Costituzionale! Machiavelli enuncia il suo proposito proprio quando, sulle rovine delle due grandi ideologie medievali dell'impero e del papato, gli stati europei dispiegano la loro individualità più forte, libera, più sciolta che mai, da legami con idee universali. Di quale colonizzazione si tratta? Di colonizzare noi stessi, altri, non i popoli? Me ne fotto dei popoli, ecco. Whereas the Mongol invasions out of Central Asia, decimated and subsequently changed not only Russia, but Turkey, Iran, India, China, and the northern reaches of the Arab Middle East. Europe, in many parts, knew no such level of destruction, and thus was able to emerge as the political cockpit of the world. un sentiment nouveau formé d'un mélange de xénophobie et de frustration. Ça paraît dans le monde colonial. Il est né avec un siècle de retard par rapport à l'Allemagne, c'est le nationalisme. D'autres acteurs de propagation des nationalismes indigènes sont intervenus. Également importés d'Europe, ce sont les principes du christianisme, de la Révolution française et du libéralisme anglo-saxon. In Tom Kratman's Caliphate, Western Europe becomes mostly Islamic, under the control of the eponymous Caliphate. The British Isles and Switzerland, however, are not under Islamic control. Parigi. Il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, Sottomissione, immagina una Francia del 2022 governata da un presidente musulmano e un nuovo ordine sociale che prevede poligamia e donne che restano a casa a occuparsi di mariti e figli in omaggio a una religione, l'Islam, che ha trionfato sulla civiltà dell'individualismo. Just as Europe moved eastward to encompass the former satellite states of the Soviet Union upon the democratic revolutions of 89, Europe will now expand to the south to encompass the Arab revolutions. Tunisia and Egypt are not about to join the EU, but they are about to become shadow zones of deepening EU involvement. Thus, the EU itself will become an even more ambitious and unwieldy project than ever before. We interrupt the program to bring you updated international news. Eurovision organizers reportedly installed anti-booing technology into the broadcast to protect the Russian entry from vocal protests over the country's position on homosexuality and its military actions in the Ukraine. Ils disent qu'ils ont encore le rêve de l'idée européenne, mais qu'ils sont déçus de comment les politiciens, de ce que les politiciens font de l'Europe. Qui disent ? Les étudiants. Peut-être la chose qui va changer, c'est qu'ils vont trouver une façon de filtrer les pétroles, de façon qu'elles ne soient pas... En fait, tu vois, c'est ça. Genre, en fait, ils vont se rapprocher de la Russie, et en fait, tout ça, Kazakhstan, Afghanistan, Iran, Tac, tout ça va faire partie d'un seul bloc, pour contrer justement la Chine et l'Inde. Voilà, la Chine et l'Inde, la Chine et l'Inde d'un côté, Chine et Inde d'un côté, et puis Nouvelle Europe de l'autre. Est-ce qu'il y aurait un pays neutral, c'est quoi? Est-ce que la Suisse resterait encore neutrale? Ce serait incroyable à faire ça. On calme les relations avec la Russie et qu'on incorpore, tu vois, le Kazakhstan, c'est des plans de ressources. Mais je dirais quand même que l'Irak et la Syrie, ce serait impossible. Donc ce serait justement comme il y a des enclaves européens. Donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, et le Bahreïn, seront de cette coalition de guerre européenne, de le Golfe. Mais la Russie et le Kazakhstan aussi. Et la Turquie. Russie, Kazakhstan, Turquie. Et l'Iran. Moi, je pense plutôt l'Iran et le Kazakhstan parce que je m'imagine qu'avec la Turquie, ça va pas arriver. Ça va pas améliorer les choses d'ici à 10 ans. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Bah, je sais pas, c'est un peu. Je vois pas non plus, tu vois, des pays d'intérêt qui ont des ressources, qui ont. Ce n'est pas trop inspirant de parler d'Europe aujourd'hui. On dirait qu'il manque un peu d'inspiration, un peu de romanticisme. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus romantiques à l'époque. Berlusconi reprend le pouvoir après une transplantation de corps. Berlusconi reprend le pouvoir après avoir transplanté son cerveau dans un corps plus jeune. Le Qatar achètera la dette grecque et rentrera dans l'Europe. Le Qatar rentrera en Europe à travers l'achat de la dette grecque. Le niveau de la Méditerranée, le niveau de la mer Méditerranée montera de 1 mètre en 2024. 2019, grande crise des banques centrales. Attaque terroristique à la Commission européenne à Bruxelles. Do not come to Europe. Wherever you are from, do not come to Europe. Do not come to Europe. Wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your life and your money. It is all for nothing. The Dark Ages would have returned in all their cruelty and squalor. Le cosmopolitisme, qui implique qu'on appartienne profondément à une seule culture et que par un patient travail, on amène cette culture au point d'universalité où elle peut rencontrer les autres. C'est le contraire exact du multiculturalisme, qui consiste en une simple juxtaposition de réalités hétérogènes. L'Union européenne est constamment critiquée pour manquer d'identité. Un État ne possède pas un statut ontologique et nécessite constamment la production d'identité. La répétition d'actes constitue un lien fort entre une institution et la production d'identité. Clotaire Rapaille. People don't know what they want. We think we want to be free. But I think a big majority prefers to be told what to do. Obligation makes one's life easier because we don't have the choice. The existence of a strong territorial anchor is reassuring because we need certainties, borders, alterity to better define one's identity. Certainties, norms, rules, duties, the illusion of a truth. Les femmes ont l'impression que les hommes se trompent généralement dans le... On est tous des femmes ont l'impression que les hommes se trompent généralement dans leurs évaluations. Quoi ?